Affirmation positive pour la confiance en soi. Allongez-vous et fermez les yeux. Couvrez-vous pour ne pas avoir froid. Laissez-vous bercer par le son de ma voix et par la musique. Et tout en respirant profondément, laissez la détente s'installer dans votre corps. Pour la confiance en soi, prenez conscience que toutes les idées noires que vous avez sur vous-même, que toutes ces informations qui se sont programmées dans votre corps et votre esprit sont erronées et proviennent d'erreurs de programmation. Et vous décidez maintenant de changer ces programmations et de devenir votre meilleur allié, d'être bienveillant avec vous-même, car vous êtes un être précieux, au même titre que tout ce qui vit sur Terre. Car la vie qui vibre en chaque plante, en chaque arbre, animaux, en chaque être humain, jusque dans la Terre, et notre planète qui est un organisme vivant, cette vie est un miracle, un cadeau. Inspirez profondément et remplissez-vous de cette vie. Cadeau. Nous avons tous une raison d'être et nous avons tous un cœur, une sensibilité et des choses merveilleuses en nous. Acceptez de devenir un être lumineux et de vous ouvrir à la vie. À chaque affirmation positive qui vont suivre, imaginez qu'elles entrent dans votre corps par un faisceau de lumière blanche qui entre par le sommet de votre crâne. Traverse tout votre corps de la tête aux pieds et va s'imprégner dans chacune de vos cellules. Et vous sentez la détente qui s'installe en vous. Et vous êtes prêt maintenant à recevoir les affirmations positives. Et je prends conscience que je suis une personne extraordinaire. J'ai de merveilleuses qualités. Et je me centre sur mes qualités. Je les énumère. Prenez quelques instants pour penser à vos qualités. Oui, j'ai le droit de me sentir bien. J'ai le droit de me sentir beau ou belle. D'être quelqu'un de bien. De m'épanouir. De profiter de la vie. Oui, j'ai le droit de prendre ma place. Et j'ai le droit de sourire et d'être heureux. Et d'ailleurs, je m'autorise à sourire et à être heureux ou heureuse plus souvent est sans raison. Je cesse de donner de l'importance au regard des autres. J'évite de faire des suppositions sur ce que les autres peuvent penser de moi. Je suis juste moi et je mérite d'ouvrir mon regard et de développer tous les magnifiques potentiels qui sont en moi et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et je décide d'être plus audacieux ou audacieuse et d'enlever toutes ces barrières qui m'empêchent d'exister. J'ai le droit, moi aussi, d'être rempli de bonheur. Et je comprends que le bonheur peut se ressentir dans de petites choses. Un sourire que j'offre ou que je reçois. Le parfum de la nature. Le soleil qui chauffe ma peau, les couleurs qui ravissent mes yeux, la musique qui fait vibrer mon corps, une simple conversation agréable. Le bonheur se trouve partout et je décide de profiter pleinement de toutes les beautés de la vie. Et je prends du temps pour moi. Je prends soin de moi. Et je réfléchis à ce que je peux faire pour me mettre en valeur. Je centre mon attention sur ce que j'ai envie de créer. Et je m'inonde de pensées positives. Car je le mérite. Et je prends conscience que je me sens tellement mieux quand je pense du bien de moi. J'arrête de me rabaisser et de me dévaloriser. Et je m'éloigne des personnes qui ne me respectent pas. Et je prends conscience que toutes les idées négatives que j'ai sur moi sont survenues suite à de faux jugements portés sur moi ou suite à de mauvaises expériences qui m'ont blessée. À partir d'aujourd'hui et pour toujours, je m'aime car je le mérite. Et je comprends que c'est le seul moyen de me débarrasser définitivement de tout ce qui m'a bloqué jusqu'alors. Laissez bien toutes ces nouvelles informations prendre place dans votre corps et dans chacune de vos cellules. Prenez le temps de revenir écouter les affirmations positives autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la reprogrammation se fasse et que vous vous sentiez bien en les écoutant. Et maintenant, doucement, vous vous préparez à revenir de votre détente. Et vous prenez quelques respirations profondes. Bougez doucement vos mains, vos pieds. Et quand vous le sentez, ouvrez les yeux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ces affirmations vous aideront à avoir confiance en vous et surtout être heureux, profiter de chaque instant. À bientôt pour une prochaine relaxation.